Chapitre 25. Comment tous les seigneurs se rendirent chez les Yunnan. Les hommes du roi, chargés de ces fonctions, firent préparer partout dans le palais et dans les salles des sièges magnifiques pour les hôtes chéris qui devaient arriver. Depuis lors, il advint par le fait de ces derniers de bien grands malheurs au roi. Maintenant, laissons-les occupés à leurs préparatifs. Jamais guerriers d'une âme plus haute ne se rendirent chez un roi en plus superbe façon. Ils avaient tout ce qu'ils désiraient, des armes et des vêtements. Le prince du Rhin habilla ses hommes au nombre de 1060, ainsi que je l'ai appris, et 9000 varlets afin de se rendre à la fête. Ceux qui restèrent dans leur patrie les pleurèrent depuis lors. On apporta à la cour à Worms tous les effets nécessaires. Un vieil évêque de Spire dit à Dame Watt, « Nos amis veulent se rendre à cette grande fête, que Dieu les protège. » La noble Watt parla à ses enfants. « Ô bon héros, demeurez ici. J'ai rêvé cette nuit d'une effroyable calamité. Tous les oiseaux de ce pays étaient morts. » « Celui qui s'en rapporte au songe, » dit Hagen, « celui-là ne sait jamais dire la vérité sur ce qui intéresse son honneur. » Je désire que mes maîtres, après avoir pris congé, se rendent à la cour d'Etzel. Nous chevaucherons avec plaisir vers le pays des Yunnan, où la main des vaillants guerriers servira leur roi, ainsi que nous le verrons à la fête de Kremhild. Hagen conseilla le voyage. Depuis lors, il s'en repentit. Il s'y serait bien opposé si Gernot ne l'avait attaqué par des paroles injurieuses. Lui rappelant Siegfried, l'époux de Kremhild, il disait « C'est pour ce motif que Hagen veut renoncer au grand voyage à la cour d'Etzel. » Hagen de Trondheim répondit, « Jamais je n'agis par crainte. Accomplissez, ô héros, ce que vous avez pris la résolution de faire. Je vous accompagnerai volontiers au pays d'Etzel. » Depuis lors, il brisa main casque et main bouclier. Les vaisseaux étaient prêts, et un grand nombre de guerriers se trouvaient là. On chargea tout ce qu'ils avaient de vêtements. On travailla jusqu'au soir. Bientôt, ils quittèrent le pays très joyeusement. On établit sur l'herbe de l'autre côté du Rhin les tentes et les huttes à l'endroit où l'on voulait camper. La belle femme du roi le pria de demeurer près d'elle. Cette nuit encore, elle serra son beau corps dans ses bras. Un bruit de trompette et de flûte s'éleva le matin de bonne heure, au moment du départ. L'ami embrassa encore tendrement ceux qu'il aimait. La femme du roi Etzel les sépara bientôt d'une façon si cruelle. Les fils de la belle Watt avaient un homme lige, hardi et fidèle. Au moment de leur départ, il avoua en secret au roi ce qu'il avait sur le cœur. Il dit « Il me faut gémir de ce que vous fassiez ce voyage à la cour du roi Etzel. » Il s'appelait Rumolt et c'était un héros à la main prompte. Il ajouta, « À qui comptez-vous laisser vos gens et votre pays? Personne ne peut-il donc, aux guerriers, vous détourner de votre projet? L'invitation de Kremhild ne me paraît pas de bonne alloi. » « Que le pays te soit confié, et aussi mon petit enfant, » répondit le roi, « et protège bien les femmes, telle est ma volonté. Console le cœur de celui que tu verras pleurer. La femme du roi Etzel ne nous fit jamais de mal. » Les chevaux étaient prêts pour les rois et pour leurs hommes. Mains chevaliers qui menaient vie honorable se séparèrent avec de tendres baisers de leur belle femme qui devait bientôt les pleurer amèrement. Quand les guerriers rapides partirent sur leurs chevaux, on vit les femmes demeurer là tout affligées. Leur cœur leur prédisait que cette longue séparation devait leur causer de grands chagrins. Pareilles appréhensions attristent toujours l'âme. Quand les rapides Burgondes se mirent en marche, un cri de désolation traversa le pays. Des deux côtés des monts, hommes et femmes pleuraient. Mais quoi que fissent leurs gens, eux, ils partirent joyeux. 1000 héros Nibelungen, portant le haubert, les suivaient. Ils laissaient dans leur patrie maintes belles femmes qu'ils ne revirent plus. La blessure de Siegfried faisait toujours souffrir Kremhild. Les hommes de Gunther dirigèrent leur course vers le Main à travers l'Osterfranken. Hagen les conduisait car ils connaissaient la route. Leur maréchal était Dankwart, le héros du pays Burgonde. Tandis qu'ils chevauchaient de l'Osterfranken vers le Svanefeld, on pouvait les admirer pour leur superbe allure, ces héros dignes de louanges. Au 12e matin, le roi arriva à la tour Louvre. Hagen de Trondheim marchait en avant de toute la troupe, et souvent il vint en aide aux Nibelungen. Le guerrier hardi mit pied à terre sur le sable, et en hâte, il attacha son cheval à un arbre. L'eau était débordée, et toutes les barques cachées. Les Nibelungen eurent grand souci, ne sachant comment traverser le fleuve, qui était excessivement large. Plusieurs superbes chevaliers mirent pied à terre. « Prince du Rhin, » dit Hagen, « de graves accidents peuvent nous survenir. Tu peux t'en convaincre toi-même. L'eau est débordée et le courant est très fort. Oui, je crains que nous ne perdions ici main bon guerrier. »« Que voulez-vous me dire ?» répondit le fier Gunther. « De par votre valeur, ne vous découragez point davantage. Cherchez plutôt le moyen de nous faire arriver à l'autre bord, de façon que nous amenions avec nous nos chevaux et nos bagages. »« Je ne suis pas si fatigué de la vie, » dit Hagen, « que je veuille me noyer dans ce fleuve si large. Avant cela, plus d'un homme succombera par ma main au pays d'Etzel. J'en ai du moins la bonne volonté. Vous, bons et vaillants chevaliers, demeurez au bord de l'eau. J'irai moi-même chercher le long du fleuve les bateliers qui nous passeront dans le pays de Gelbfrat. » Et le fort Hagen saisit son excellent bouclier. Il était bien armé. Outre le bouclier, il portait solidement fixé son heaume très brillant et sur sa cotte de maille une très large épée qui, des deux tranchants, coupait d'une effroyable façon. Il cherchait et recherchait les notonniers. Tout à coup, il entendit bruire les eaux. Il se mit à écouter. C'étaient des femmes blanches qui faisaient ce bruit dans une source limpide. Elles voulaient se rafraîchir et baignaient ainsi leur corps. Hagen les aperçut. Il se glissa invisible jusque près d'elles. Comme elles fuirent rapidement quand elles le virent, elles étaient fières de lui avoir échappé. Le héros prit leurs vêtements et ne leur fit nul autre mal. L'une de ces femmes des eaux, son nom était Hagburg, parla. « Noble chevalier Hagen, si vous nous rendez nos vêtements, nous vous ferons connaître comment se passera votre voyage à la cour des Jonen. » Semblables à des oiseaux, elles planaient autour de lui sur les flots. Il lui parut que leurs sens étaient puissants et subtils. Il en fut d'autant plus disposé à croire ce qu'elles allaient lui dire. Elles l'instruisirent clairement de ce qu'il désirait savoir. Hagburg dit « Vous pourrez bien chevaucher au pays d'Etzel. Je vous donne ma foi pour garant que jamais héros ne se seront mieux présentés dans nul royaume et n'auront reçu d'aussi grands honneurs. En vérité, vous pouvez le croire. » Hagen se réjouit en son cœur de ce discours. Il leur donna leurs vêtements sans plus tarder. Quand elles eurent revêtu leur voile merveilleux, elles exposèrent au vrai ce que devait être le voyage dans le pays d'Etzel. L'autre femme des eaux prit la parole. Elle s'appelait Sieglind. « Hagen, fils d'Aldrian, je veux t'avertir. Pour avoir ces vêtements, ma tante t'a menti. Si tu arrives chez les Jonen, tu seras terriblement trompé. Il faut t'en retourner, il en est encore temps. Votre destinée est telle, vaillant héros, qu'il vous faut mourir au pays d'Etzel. Ceux qui s'y rendront ont la mort sur leurs pas. » Mais Hagen répondit, « Vous trompez sans nécessité. Comment se pourrait-il faire que nous soyons tous tués là par l'inimitié d'une seule personne ?» Elles commencèrent alors de lui exposer plus clairement leurs prédictions. L'une d'elles parla. « Il doit en être ainsi. Nul d'entre vous n'en réchappera, nul, excepté le chapelain du roi. Nous le savons de science certaine, il retournera sain et sauf au pays de Gunther. » L'audacieux Hagen répondit en colère. « Il me serait trop difficile de dire à mes maîtres que nous devons tous perdre la vie chez les Jonen. Maintenant, indique-nous un moyen pour traverser le fleuve, ô la plus sage des femmes. » Elle dit, « Puisque tu ne veux pas renoncer à ce voyage, sache que là-haut, au bord des ondes, s'élève un logis. Tu y trouveras un notonnier nulle part ailleurs. » Il crut à la réponse qu'elle faisait à sa demande. L'autre parla encore au guerrier impatient. « Attends un moment, Sir Hagen, tu es vraiment trop pressé. Apprends encore mieux comment tu arriveras à l'autre bord. Le seigneur de cette marche s'appelle Else. Son frère se nomme Gelbfrat, la bonne épée. Il est prince dans le Bayerland. Vous aurez des obstacles à vaincre si vous voulez traverser la marche. Il faudra bien vous mettre en défense et en agir très prudemment avec le notonnier. Il est d'une humeur si féroce que vous n'en reviendriez point si vous n'êtes pas courtois avec cet homme fort. Désirez-vous qu'il vous passe? Accordez-lui bonne récompense. Il garde ce pays et il est dévoué à Gelfrat. S'il ne vient point de ton côté, appelle-le de par-delà le fleuve et dis-lui que tu te nommes Amalric. C'est le nom d'un brave héros qui, pour certaine inimitié, quitta ce pays. Aussitôt qu'il entendra ce nom, le notonnier viendra vers toi. » L'orgueilleux Hagen s'inclina devant les femmes. Il n'en dit pas davantage et demeura silencieux. Il remonta le flot le long de la rive jusqu'à ce qu'il vit la demeure à l'autre bord. Il se mit à appeler à haute voix jusqu'au-delà du fleuve. « Viens ici me prendre, » dit le brave guerrier, « et je te donnerai pour salaire un bracelet en or très rouge, car, sache-le bien, il est absolument nécessaire que je passe. » Le notonnier était si riche qu'il ne lui convenait pas d'être aux ordres des gens. Aussi acceptait-il rarement un paiement quelconque, et ses serviteurs étaient aussi très fiers. Hagen restait toujours de ce côté-ci de l'eau. Alors il cria avec tant de force que tous les échos du fleuve retentirent de la puissance de sa voix, car le héros était excessivement fort. « Viens me prendre, moi, Amalric. Je suis un des hommes d'Els qui ai quitté le pays par suite d'une grande inimitié. » Il lui présenta au bout de son épée levée en l'air un bracelet d'or rouge beau et brillant, afin qu'il le passât dans la terre de Gelfrat. Le fier notonnier saisit lui-même la rame en sa main. Il était d'humeur très difficile, ce batelier. Le désir d'une grande récompense lui amena une mauvaise fin. Il voulut gagner l'or rouge de Hagen et il reçut ainsi une mort affreuse par l'épée du chevalier. Le notonnier rama vigoureusement jusqu'à l'autre bord. Ayant entendu nommer quelqu'un qu'il ne trouva pas, il entra dans une terrible colère quand il vit Hagen et, furieux, il adressa la parole au héros. « Il est possible que votre nom soit Amalric, mais vous ne ressemblez guère à celui que je croyais ici, lequel est mon frère de père et de mère. Maintenant que vous m'avez trompé, vous resterez à l'autre bord. »« Non, point par Dieu le Tout-Puissant, » répondit Hagen. « Je suis un guerrier étranger et d'autres guerriers sont confiés à mes soins. Acceptez donc de bonne amitié la récompense que je vous offre pour me passer à l'autre rive. Je vous en serai vraiment très reconnaissant. » Le notonnier reprit. « Non, cela ne peut se faire. Mes seigneurs bien-aimés ont des ennemis et pour ce motif, je ne mène aucun étranger dans ce pays. Si vous aimez à vivre, descendez vite de ma barque sur le rivage. » « N'agissez pas ainsi, » dit Hagen. « Mon cœur en est attristé. Acceptez de ma main par amitié cet or très pur et passez à l'autre bord nos 1000 chevaux et autant d'hommes. » Le farouche notonnier reprit. « Non, jamais je ne le ferai. » À ces mots, il leva une forte rame large et pesante et frappa sur Hagen qui, du coup, tomba sur ses genoux au fond de la barque. Il en éprouva grande douleur. Jamais le héros de Trondheim n'avait rencontré si féroce batelier. La fureur de celui-ci redoubla contre l'orgueilleux étranger. Il asséna sur la tête de Hagen un coup de son aviron avec tant de force qu'il le brisa en éclats. C'était un homme fort, mais il devait en arriver malheur au batelier d'Els. Plein de colère, Hagen saisit promptement le fourreau de son épée et en tire la bonne lame. Il lui abat la tête et la jette à terre. Bientôt les Burgondes apprirent ce qui venait d'arriver. Au moment où il frappa le batelier, la barque fut emportée par le courant, ce qui le dépita fortement. Avant qu'il parvint à la ramener, il sentit la fatigue. C'est qu'il employait toutes ses forces, l'homme du roi Gunther. Il ramait à coups si précipités que la forte rame se rompit dans ses mains. Il voulait arriver jusqu'au guerrier qui se trouvait sur le bord. Mais il n'y avait point d'autre rame. Il lia les débris en rate, avec une courroie de bouclier qui était un cordon étroit. Descendant le courant, il mena la barque vers une forêt où il trouva son maître sur le rivage. Maints vaillants hommes coururent à sa rencontre. Les bons chevaliers l'accueillirent avec force salutation. Quand ils virent fumer dans la barque le sang sorti de la terrible blessure que Hagen avait faite au batelier, ils se mirent à l'interroger vivement. Le roi Gunther, voyant couler le long du bateau le sang encore chaud, prit la parole. « Dites-moi, Sir Hagen, qu'est-il advenu du batelier? Votre terrible force lui a, j'imagine, enlevé la vie. » Il répondit par un mensonge. « J'ai trouvé la barque près d'un saule sauvage et ma main l'a détachée. Je n'ai vu ici aujourd'hui aucun batelier et par mon fait, nul n'a souffert aucun dommage. » Guernot, le prince Burgonde, parla. « Il me faudra en ce jour pleurer la mort d'amis bien-aimés, puisque nous n'avons pas les bateliers nécessaires pour nous conduire à l'autre bord. C'est pourquoi mon âme est inquiète. » Haguenin s'écria à haute voix. « Vous, varlet, déposez sur l'herbe les bagages. J'étais, si je ne m'abuse, le meilleur nautonnier qu'on pût trouver sur les bords du Rhin. Oui, je vous passerai dans le pays de Gelbfrat, j'en ai la conviction. » Afin d'arriver plus vite à l'autre bord, ils poussèrent, à force de coups, les chevaux dans le fleuve. Ceux-ci nagèrent aussi bien que l'eau n'en engloutit pas un seul, mais quelques-uns dérivèrent par suite de la fatigue. La barque était énorme, forte et très large. Elle transporta à l'autre bord en une fois 500 hommes et plus avec leur suite, les vivres et leurs armes. Maint bon chevalier durent se mettre aux rames en ce jour. Ils portèrent dans le bateau leur or et leurs vêtements, puisqu'ils devaient faire la traversée. Haguenin les dirigeait. Il conduisit ainsi à l'autre bord dans le pays inconnu maint beau guerrier. Il transporta à l'autre rive 1000 nobles chevaliers, ainsi que ses propres guerriers. Il y en avait même davantage. Il passa aussi les 9000 varlets. De tout le jour, la main de l'audacieux héros de Troneille ne se reposa point. Tandis qu'il les conduisait sains et saufs sur les ondes, il pensa à la bonne épée, à l'étrange prédiction que lui avaient faite les sauvages femmes des eaux. Peu s'en fallut qu'il n'en coûtât la vie au chapelain du roi. Il alla trouver le prêtre près des objets sacrés. La main de celui-ci était appuyée sur les reliques, mais cela ne pouvait le sauver. Quand Hagen le regarda, le pauvre serviteur de Dieu dut se trouver mal à l'aise. D'un mouvement rapide, il le lança hors de la barque. Plusieurs s'écrièrent « Arrêtez, Seigneur, arrêtez !» Giseler, le jeune, commença de s'irriter, mais Hagen n'écouta rien, qu'il n'eût exécuté son projet. Guernot, le prince Burgonde, parla. « Haguenin, à quoi vous sert maintenant la mort du chapelain? Si un autre avait agi de la sorte, vous en seriez affligé. Pour quelle faute avez-vous pris ce prêtre en haine ?» Le prêtre nageait bien. Il se fut sauvé si quelqu'un lui était venu en aide. Mais il n'en put être ainsi, car le fort Haguenin, grande était sa colère, le repoussa au fond de l'eau, ce qui ne parut bon à personne. Le pauvre chapelain, voyant qu'il n'aurait nul secours, se dirigea vers l'autre rive. Mais son angoisse était grande. Quand il ne put plus nager, la main de Dieu le soutint, et enfin il aborda vivant sur le sable de l'autre bord. Il se releva, le pauvre prêtre, et secoua ses habits. Haguenin reconnut à cela qu'il n'y avait pas à éviter le sort qu'avaient prédit les sauvages femmes des eaux. Il se dit « Tous ces guerriers doivent perdre la vie ». Quand ils eurent déchargé la barque et emporté tout ce que les vaillants hommes des trois rois y avaient mis, Haguenin la brisa en pièces qu'il jeta dans les flots. Les bons et valeureux guerriers s'en étonnèrent grandement. « Pourquoi faites-vous cela, frère ?» dit Dankwart. « Comment passerons-nous le fleuve quand nous reviendrons chevauchant de chez les Jonen vers les pays du Rhin ?» Haguenin lui dit plus tard qu'il n'y retournerait plus. Mais en ce moment, le héros de Troneille répondit. « Je le fais de crainte que nous n'ayons quelque lâche avec nous qui voudrait s'enfuir poussé par la crainte. Celui-là trouvera dans le fleuve une mort honteuse. » Quand le chapelain du roi vit Haguenin a brisé le navire, il lui adressa de nouveau la parole de l'autre rive. « Assassin sans loyauté, que vous ai-je fait pour que vous vouliez ainsi me noyer, moi, innocent de tout crime ?» Haguenin lui répondit. « Laissons là ces discours. Sur ma foi, il me peine fort que vous vous soyez aujourd'hui échappé de mes mains. Je le dis sans moquerie. » Le pauvre chapelain reprit. « Certes, j'en remercie Dieu. Je vous crains peu, soyez-en sûr. Cheminez vers les Jonen. Moi, je repasse le Rhin. Que Dieu ne vous permette plus de revoir le Rhin. Voilà ce que je désire ardemment, car vous m'avez presque enlevé la vie. » Ils emmenaient avec eux un homme du pays des Burgondes, un héros bravaillant. Son nom était Folker. Quelles que fussent ses dispositions, il parlait toujours avec éloquence. Tout ce que faisait Haguenin recevait l'approbation de ce joueur de viol. Leurs chevaux étaient prêts, leurs bêtes de somme chargées. Ils n'avaient encore éprouvé dans le voyage aucune contrariété qui les affligea, si ce n'est l'accident du chapelain du roi. Celui-là dut s'en retourner à pied jusqu'au Rhin.